Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes là. Vous pensiez qu'on n'aurait pas d'émission, mais non, mesdames et messieurs, on a réussi à régler notre petit problème et nous sommes en ondes jusqu'à 20h, comme à notre habitude, maintenant à CJMD. Mon nom est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là pour vous, mesdames et messieurs. Et je suis accompagné de mon comparse de toujours, le roux Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien, monsieur Michaud. Et là, on va parler de quoi cette semaine, Andrew? De nouvelles ludiques. Oh oui, on ne fera que de la nouvelle ludique et des débats enflammés comme à notre habitude. Donc, on va vous envoyer ça dans vos oreilles avec de l'excellente musique, évidemment. Veuillez noter que je suis très content d'être ici ce soir. C'était un concept de répondre comme ça. D'accord. Non, mais c'est à quoi j'ai répondu direct, c'est pour ça. Je voulais juste dire que j'étais de bonne humeur. Ah, OK, voilà. Merci, Andrew. Et on a aussi un auditeur qui est en studio, M. Pierre Courtemanche, qui est assis autour de la table, là, qui va nous lancer comme ça des petits commentaires tout au long de l'émission. Bienvenue, Pierre, à Puissance Maximale. Merci. Donc, et comme à notre habitude, bon, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller chercher toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres reportages. On vous invite également fortement, en fait, à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Vous allez appuyer sur « J'aime » parce qu'on vous aime, nous, mesdames et messieurs, tellement. Et en plus, ça vous permet d'avoir des nouvelles plus rapidement quant à l'émission via Facebook. Donc, on vous invite à aller aimer la page, mais aussi et aussi fortement à la partager, cette page-là, auprès de tous vos amis geeks qui sont intéressés, même les non-geeks qui veulent découvrir les univers ludiques, et ben je le répéterai une troisième fois, geeks, ben allez partager la page avec eux, vous allez voir, ils vont découvrir ce programme musical, radiophonique, ludique que vous aimez tant. Et voilà, c'est fait. Et comme à notre habitude, M. Castegan, on va commencer en musique, et on vous envoie une chanson qui s'appelle Danzai no Anna, une chanson en japonais, qui est basé sur l'anime Claymore. Donc la série animée Claymore. Et c'est repris par une fille qu'on connaît bien, moi et Andrew. Pierre aussi, qui est une fille qui s'appelle Irulan, de son nom d'artiste, qui est en fait une chanteuse qui reprend des chansons d'anime et grande spécialité au niveau de Sailor Moon pour les amateurs. Oui, oui. On l'avait vu à Janime l'année passée. On va sûrement la recroiser prochainement. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles. Danzai no Anna, vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD FM, la radio qui s'implique dans sa communauté. Kokoro, mada anata no hiyoku no naka de karada sagashite ru karinai watashi wo kyou mo dokoka de dareka no nagasu namida. Mettez-vous, voilà, Et oui, de retour à Puissance Maximale avec Andrew, après avoir entendu une excellente chanson d'Irulan qui s'appelle Danzai Noana. Et M. Castegan, on va tout de suite débuter cette émission, comme on avait dit au début, là, de nouvelles avec toi et une nouvelle. Hein? On va parler de Steam. Go, go, go! En fait, je vous annonce que si vous êtes un fan de la plateforme digitale sur PC pour acheter vos jeux, ben les soldes d'automne sont commencés à partir d'aujourd'hui. On parle dans le fond de plein de spéciaux sur le logiciel de Steam du 27 novembre jusqu'au 3 décembre. Et sérieusement, à date, là, pour le jour 1, là, ça arrache tout plein. Oui. Dans le fond, juste pour vous donner une idée, vous pouvez vous acheter Steam. Vous pouvez vous acheter Skyrim pour $7.49. Donc, dans le fond, un rabais de 75%, vous pouvez vous pogner Sleeping Dogs, qu'on a déjà parlé ici, pour $4.99. C'est en US, là, mais... US, mais t'es... On s'entend-tu que... La différence, c'est ridicule. Après ça, Left 4 Dead 2, un classique, si vous ne l'avez pas, à $4.99. Vous avez même Outlast, le nouveau jeu d'horreur, paraîtrait, qui donne des frissons autant que... Amnesia. C'est ça, merci. Paraîtrait que, dans le fond, ce jeu-là, il est quelque chose, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, qui est à $6.79 actuellement. Puis en plus, c'est ça, c'est sans compter les ventes flash qu'il y a aussi actuellement là, au niveau des petits jeux indie là, que vous pouvez avoir à bas prix. Crysis 2 Maximum Edition à $7.49. entre autres. Puis là, vous en avez plein d'autres aussi là, dans la liste en bas. Et, ah, tu vois, même 50% sur DLC Dragonborn pour Skyrim. C'est pour ça qu'ils n'ont pas Skyrim encore. Ben d'ailleurs, non, en fait, premièrement, si vous n'avez pas Skyrim, lui, à 7,49, c'est le jeu tout nu. Si vous voulez avoir le jeu avec tous les DLC qui existent, il y a l'édition légendaire qui est à 20,39, donc 66% de rabais. Oh, excellent. Et là, dans les autres jeux, là, Bioshock Infinite, un gros titre là, de cette année, 50% de rabais, donc à 19,99. Un très bon shooter, Civilization 5 à 50% de rabais également. Donc, il y en a pas mal. Ou encore, il y a même le jeu d'aventure fait par Telltale's Game de Walking Dead. Excellent jeu de point and click, là, un classique à mon avis. Là. Vous pouvez avoir, dans le fond, le jeu pour 6,24. Donc, vraiment... En fait, faut toujours surveiller Steam, premièrement. Faut toujours surveiller parce qu'ils ont toujours des rabais sur plusieurs jeux, là, c'est en rotation, mais pendant les ventes d'été, les ventes ces grosses ventes-là qui sont annoncées, on peut faire vraiment des affaires d'or, donc ça vaut la peine de regarder ça. Et ça va durer combien de temps encore cette vente-là? Jusqu'au 3 décembre? Oui. Donc ça se finit la semaine prochaine, donc dépêchez-vous, mesdames et messieurs. En fait, ça termine, pour être bien précis, mardi prochain. Donc soyez rapides sur le piton, puis allez vous acheter des jeux tout plein, parce que il y en a là qui vont pas aller manger de la dinde des attaquas pendant 3 semaines, là, pendant le temps des fêtes, là, une couple de petits jeux comme ça pour les prochaines tempêtes, là, hein? Pour ceux qui sont pognés chez eux dans ce temps-là. Toujours le fun d'avoir... Avec leurs pneus d'été. Ouais, genre... Non, je me t'ai promis qu'on parlerait pas de la température, Andrew, et nous ne le ferons pas, donc passons à une autre nouvelle. Ben, on va parler de température, la météo, non. En fait, on va parler console next-gen. Je m'excuse, Mike, j'ai ouvert un article qui datait de la semaine passée, mais on n'a pas eu l'occasion de l'ouvrir, mais je vais faire le parallèle. On a eu un article, on va faire une tangente vers la Xbox One, qui est sortie la semaine passée. Il y a un article sur le site, le très populaire site, jeuxvideo.com, où il y a des analystes qui ont fait une analyse, à savoir comment coûte la production de la Xbox One. Et d'ailleurs, il faisait un parallèle avec le coût de production de la PlayStation 4 qu'on n'avait pas abordé la semaine passée. Oui. Donc, on va faire un petit parallèle vers la PS4, juste pour vous dire, avec l'analyse, donc dans d'autres mots, le décortiquement de la console, vérifier pièce par pièce le prix que la pièce coûte. Pour produire une PS4, ça coûte 380$ US à produire. Donc, actuellement, Sony fait une marge de profit de 18$ sur la vente d'une console. Mais ce qu'ils font du profit, c'est déjà bon, parce qu'on connaît que les anciennes consoles... La PS3, il la vendait à perte. Il a vendu 150$ dans le trou, me semble. Sauf, par exemple, il faut prendre en compte que là-dedans, on ne considère pas les frais de transport, manutention et tout ça. Et les accessoires non plus. Là. C'est vraiment la console. Là. Si vous avez les accessoires, vous descendez dans l'article, on peut descendre plus bas. Bon, on a les prix également. Là. Donc, non, c'est ça. C'est quand même bien, mais... Il y a les maudits problèmes de lancement des deux consoles. On en reviendra plus tard, mais... C'est ça. Puis là, dans le fond, ils ont fait... pour retourner à la nouvelle, avant que, justement, on tombe là-dessus, on parle de l'Xbox One qui coûterait 471$ à produire. Donc, une autre console qui, théoriquement, représenterait un profit d'approximativement... t'es à 499, la console? Oui. Ouais. C'est environ... C'est 28$ à peu près, je ouais, pense. À ouais, peu près. Ça. Donc, non, on est tous là... Il cherchait la ligne où il disait, là, mais bien, là. C'est, en tout cas, tu vois, regarder le hardware de deux machines, on sait que la PS4 a une légère avance au niveau de la performance de la machine, mais, c'est le fun quand ça marche, mais le problème, c'est qu'ils sont pas fiables, les Christy de machines, quand ils sortent de l'usine. Mais ouais, bon. Parce que... Est-ce qu'on y va avec le petit coup de gueule parenthèse, là, puisqu'on passera pas le show là-dessus? Ah, on peut y aller tout de suite, effectivement. OK, je vais le dire. Microsoft, on le répète, et on le répète, on s'adresse, on sait que vous nous écoutez, là. Arrêtez donc de faire affaire avec l'usine du Mexique qui fait des cordons de courant qui pognent en feu, des lecteurs CD pas fiables, puis des consoles qui marchent pas au lancement. Sans parler des power supply qui pognent en feu. Ben c'est ça, là. C'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous retournez faire affaire avec une usine en Chine. Puis étrangement, ça marche toujours bien avec cette usine-là. Restez avec eux. Arrêtez de retourner au Mexique. Moi, il y a une mafia de jeux vidéo qui les oblige. Non, on appelle ça l'industrie du jeu vidéo. Au lancement, il y a toujours deux types de consoles avec Microsoft. T'as les consoles qui viennent de la Chine, puis t'as un autre modèle de console qui viennent du Mexique. Puis tous ceux-là là, qui, permettez-moi le terme, chient, c'est ceux qui viennent du Mexique. Pourquoi Microsoft, vous faites toujours affaire avec eux? Pourquoi? Ça fait 3 générations de consoles qui vous ratent. Arrêtez! Mais en plus, non, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'on en a parlé de toute façon la semaine passée, c'est que la PS4 aussi a eu des ratés à son lancement. On parle de la fameuse Blue Blinking, Light of Death. On parle de 0.4% oui. sur 1 million de consoles. Non, mais c'est pas énorme non plus pour la Xbox One. L'Xbox One, le problème majeur qui est ressorti, c'est les disques Destroyer Driver of Death. Donc, c'est le lecteur de disque de la machine qui fait faire un son comme si ça cognait, comme si ça frottait. Puis finalement, ben votre CD est plus bon quand il ressort de là, puis c'est fini. Mais tu sais, l'optique, c'est que là, actuellement, je serais... Parce que la PS4, en fait, c'est pas compliqué, ils viennent tous de la même place. Donc, tu sais, l'usine de production de la PS4 a eu un taux d'échec de 0.4%. Ouais. C'est ça qu'on peut dire. Ça ressemble au taux d'échec, d'ailleurs, de la PS3. Ouais, avec la Yellow... Avec la Microsoft, ben là, il faudrait faire deux taux, en fait. Prendre les consoles qui viennent du Mexique et les consoles qui viennent de la Chine pour recalculer le taux. Et c'est étrange, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas ben de consoles qui viennent de l'usine de Chine qui a fait des erreurs. J'ai comme l'impression que c'est vraiment ceux du Mexique, moi. Étrangement, là. En tout cas, on n'a pas les statistiques, mais on peut émettre des hypothèses comme ça. J'ai un petit doigt qui me dit que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais juste un détail. Si j'ai bien compris, la PlayStation a un coût moindre que la Xbox One, puis elle fait plus que la Xbox One? Au niveau matériel, normalement, si on regarde les composants matériels de la console, effectivement, la console PS4 est plus performante. Mais c'est pas une différence aussi flagrante qu'entre la Wii U et la nouvelle génération, là, mais il y a quand même une différence. Et comme pour la PS3, c'est ça, et la Xbox 360, la PS4, normalement, est plus performante. Mais le problème, ça c'est un problème. Là, le monde dit ouais, mais c'est un taux pas si élevé des machines, que ce soit que la Xbox One ou la PS4. Moi, je dis, au prix qu'on paye des machines, même s'ils font pas un énorme profit, des fois pas pantoute, c'est quand même 400-500$ de nos poches. Le monde dit ouais, mais tu sais, ils sont corrects, là. Les compagnies vont. On peut pas. D'ailleurs, on vous rappelle que vous ne pouvez pas retourner au magasin avec votre console. Il faut que vous fassiez affaire directement avec la compagnie, avec Microsoft ou avec Sony. D'ailleurs, si on vous offre une garantie prolongée pour votre console. Dites non. Dites non tout le temps. Les garanties prolongées. C'est pas juste ça. C'est juste parce que la console vient de sortir, puis comme n'importe quelle console de nouvelle génération, on va peut-être passer l'année à pas en avoir si souvent que ça. Tandis que sur les tablettes. Fait que non, c'est ça. La garantie prolongée vous oblige d'aller en magasin pour faire respecter votre garantie. La garantie fabricant, qui est d'elle-même là, un an, ben vous appelez Microsoft ou Sony, ils vous shippent une boîte. Puis généralement, une semaine ou deux, c'est réglé. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Québec, on a la fameuse loi de l'utilisation normale, raisonnable des produits. Donc, disons que vous avez une TV au plasma ou une console, puis elle pète au bout de 2 ans. Même si votre garantie avec votre fabricant est de 1 an, vous avez le droit de vous présenter aux petites créances du Québec. C'est pas très cher d'ailleurs, ouvrir un dossier, et leur dire non, ça ne fonctionne pas. Une console de jeu, c'est pas vrai que c'est normal que ça pète au bout d'un an ou deux. Même affaire pour les télévisions. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas faire ça, qui vont aller carrément s'acheter une nouvelle console ou une nouvelle télévision, ou même faire réparer maintenant les appareils, ça coûte très cher. Les gens ne font pas ça. Et ce qui arrive, c'est que les compagnies, elles, c'est parce que habituellement, quand on est de bonne foi, on appelle la compagnie. On leur offre de nous remplacer notre console ou de payer la facture de réparation. Et habituellement, les compagnies disent non. Parce que votre garantie dure 1 an, c'est fini, merci, bonsoir. Mais ce n'est pas vrai au Québec. On a cette loi de protection du consommateur. Donc, vous allez aux petites créances. Habituellement, on ne se rend même pas devant un juge. Puis la compagnie accepte de nous... Habituellement, la compagnie va payer la réparation, nous envoyer un nouvel item et payer aussi les frais d'ouverture du dossier. Il ne faut pas avoir peur de faire respecter nos droits. Puis souvent, ne vous faites pas avoir par une compagnie qui vous dise « Ouais, mais nous autres, on est sous la loi canadienne. Désolé, vous vendez des produits au Québec. » Donc vous êtes la loi américaine ou n'importe quoi. Whatever, c'est ça. Vous vendez des produits au Québec, vous êtes donc assujettis à cette loi-là. Donc n'ayez pas peur de faire respecter vos droits. Mes chers amis geeks consommateurs, ça c'est aussi bon pour les nouvelles consoles, justement les consoles nouvelle génération. Après 1 an, si votre console pète, vous avez amplement le droit de vous présenter aux petites créances et de dire « Regardez, moi j'ai payé 500$ pour ça, ça a duré 1 an, ça ne fonctionne pas. » Et puis, il n'y a pas de... Quand c'est des trucs comme ça, si vous ne voulez pas te défoncer à coups de marteau, là, si on parle bien d'un bris qui est dû à un problème technique... Une usure normale, mais c'est ça, guillemets. Mais une usure normale, pas après 2 ans, mettons. Là, mais non, après 1 an, là, je parle... Vous utilisez votre... C'est que vous n'avez pas abusé de votre produit. C'est en plein ça. Ben, faites respecter vos droits, puis les juges... dans la très, très grande majorité des cas, ben, ils vont vous l'accorder, puis ils n'auront pas le choix de régler ça. Mais habituellement, on se rend même pas là. J'ai un de mes amis qui a eu un problème avec sa TV Plasma. Il a appelé 2 fois la compagnie, il a appelé au magasin aussi. Il a ouvert. Ça prend du temps, mais ça vaut tellement la peine de faire respecter ses droits. Puis ça envoie un message aussi à cette compagnie-là que les consommateurs, c'est pas des tartes. Puis qui se tiennent debout également. Et c'est quoi tu dis des fois, l'acheter c'est l'adopter ou... En fait, acheter c'est voter. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Donc quand vous êtes, vous n'aimez pas une compagnie, ben allez-y pas. Vous n'aimez pas un magasin. Vous n'aimez pas un magasin, allez-y pas. Vous n'aimez pas un événement, allez-y pas. Si vous n'aimez pas une compagnie, achetez pas de leurs produits. Il me semble que c'est assez simple. Et à la place de chialer à chaque fois, ouais, là, je me suis racheté une Xbox, je me suis racheté une PlayStation, puis encore une fois, il y a ce problème-là. Regarde, achète-toi une autre console, puis passe à autre chose. Et voilà. Donc, il me semble que si tout le monde faisait ça, on aurait peut-être des compagnies qui seraient peut-être plus ouvertes justement aux critiques, aux commentaires et justement à leurs consommateurs. Oui, comme une certaine compagnie de jeux vidéo qui font des DLC à... Tu serais-tu en train de parler de Capcom, toi, là? Bon, voyons donc. Est-ce que je parlerais du mal de la compagnie qui fait certains des jeux préférés à ma blonde, Patricia, que je salue d'ailleurs, avec mon petit bébé Stella. Bonjour, bonjour Patricia. Oui, effectivement, Capcom sont reconnus pour être des assez solides vendeurs de DLC et de jeux réédités 20 000 fois sous le même nom. Activision aussi. Ouais, ils sont pas pires aussi. Donc, pour la Xbox One, pour le. Non, en fait, excuse-moi, Activision, c'est de sortir le même jeu. Non, non. Non, tu es en train de parler de Call of Duty, toi, là? Voyons. Non, non, ils ont mis un chien dans le dernier. Donc. Donc, tout ça pour dire que, ben, après tout ça, on retourne déjà en musique, M. Castigan. Ah, ben, je vais juste dire une dernière nouvelle rapide pour clore le dossier Xbox One. Ben, ce sera pas clos parce que moi, j'en ai plein d'autres nouvelles. Bon, on va finir le dossier. Oui, je sais, mais t'es plus que... Finissons le dossier tout court, là. On parle de problèmes. Ben, Microsoft, on dit qu'elle a donné un jeu gratuit pour compenser les problèmes avec les consoles. En fait, c'est un code utilisable pour échanger un jeu, que ce soit Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Rise Son of Rome... ou encore Zoo Tycoon. C'est pas des mauvais Zoo titres, là. Zoo Tycoon. Ben, OK, Non, mais c'est cool, les Tycoon, mais c'est juste parce que je viens de nommer plein de jeux, puis je tombe sur Zoo Tycoon à la fin. Mettons, enlève ça. C'est anticlimax. Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, j'ai vu des images. Pas un très grand fan de jeux de course, mais il avait quand même l'air assez solide. Et ben, Rise Son of Rome, qui est... God of War de la Xbox. De la Xbox, qui est quand même un des très gros titres là, de la sortie Xbox. Donc, mais c'est ça, vous allez avoir ça en attendant de recevoir votre nouvelle machine. Je sais pas d'ailleurs si M. Lajeunesse va l'avoir, ce jeu-là. J'espère bien. Curieux de l'essayer. J'ai déjà vu que les jeux qu'il a achetés... Ben ça, il y avait Assassin's Creed 4, qu'on va pouvoir faire une comparaison. Il y avait le jeu de danse d'Ubisoft de... Oui, Just Dance. Ouais, ça, je suis comme pas sûr. Avec la Kinect, il va falloir qu'on essaye ça. Ça va être drôle avec de la boisson. On va faire une version du jeu de Star Wars Dance. Aussi. Non. On ne parle pas de ça ici, Pierre. On ne parle pas de choses blasphématoires comme ça dans notre émission. Et Mike, je te laisse l'honneur de la dernière nouvelle. Et oui, la dernière nouvelle Xbox. Une nouvelle Xbox One en 2014. Et oui, mesdames et messieurs, le site Digitimes rapporte que Microsoft serait sur le point de lancer une nouvelle version de la console Xbox One début 2014. Pas en décembre l'année prochaine, là. Début 2014. On parle de rumeurs encore. On dit que l'usine de production taïwanaise qui prétend avoir reçu l'ordre de commencer les livraisons du nouveau modèle au premier trimestre de 2014. Donc, on parle pas genre fin janvier, début février, là. On parle... C'est premier trimestre. Non, c'est vrai, ça, trimestre, j'avais compris semestre. Non, c'est en plein ça. Et là, on parle d'une usine taïwanaise aussi. Là, on sort du Mexique. Et on mon Dieu, on sort de la Chine et de la Taïwan. Pas de la Taïwan, je veux dire du Mexique. Non! Voilà. Puis on nous dit que rien n'est dit, par contre, sur les modifications pour différencier l'actuel de du futur modèle. Donc, ils n'ont pas commenté la nouvelle. Donc, ça reste une rumeur. Comme on dit à l'émission, on aime bien ça, de lancer des rumeurs comme ça. Mais bon, est-ce que c'est sérieux? On verra, disons, au mois de février. Mais là, la Xbox One est sortie la semaine passée. Donc, ça veut dire qu'ils savaient déjà qu'il y avait des problèmes. Parce que c'est long, là, faire le développement d'une console. Ils savaient tout. Il faut arrêter de penser que les compagnies, quand ils mettent des produits, Non, c'est pas une conspiration. C'est très simple. C'est, les compagnies savent très bien quel genre de pièces s'y mettent dans. Ils ont des gens très, très compétents dans leur compagnie. Ils savent très bien que c'est pas fiable. Puis ils savent que la plupart des gens ne feront pas ce que je vous ai dit de faire valoir vos droits. Donc, ils vont faire de l'argent. Et c'est comme ça. Donc, soyez vigilants, messieurs, mesdames, les consommateurs. Et M. Castegan, il est temps justement d'aller en musique. Et là, on va aller avec une très bonne chanson qui est le thème de Frog dans Chrono Trigger par le groupe Random Encounter. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. CJMD FM, la radio de la Rive-Sud. Maximale.com. Et oui, de retour à puissance maximale après le thème de Frog de Chrono Trigger. Vous entendez ça dans vos oreilles. C'est la gang de Random Encounter qui faisait ça. On voudrait faire une petite annonce en même temps. La semaine prochaine, malheureusement, il n'y aura pas d'émission. Mais on vous prépare deux méchantes bonnes émissions au mois de décembre. En fait, des émissions, on pourrait dire... on va récapituler finalement notre année 2013 version geek. Évidemment, nos collaborateurs seront en onde avec nous pour nous parler de leur année geek et de leur, ben, évidemment, suggestions cadeaux pour le temps des fêtes. Puis, en plus, même la dernière émission sera le 18 décembre, même aussi proche de Noël. Je pense que ces suggestions-là vont arriver à point pour ceux qui ne savent pas quoi acheter à leurs amis geeks. Et il n'y aura pas d'émission le 25, bien évidemment. Cette année, le 25 et le 1er tombent à mercredi. Donc, moi et Andrew serons en congé et nous serons de retour, mesdames et messieurs. Et oui, en janvier, normalement le 8 janvier. Donc, on prend quand même une pause de 2 semaines et nous serons de retour après pour vous parler jeux, bien évidemment. Et si vous avez des questions à poser à nos collaborateurs, c'est toujours possible de le faire via la page Facebook de Puissance Maximale. Donc, voilà, c'est dit. Et donc, la semaine prochaine, vous pouvez toujours synthétiser le CJMD FM 96.9, mais ce sera de l'excellente musique à la place que ce soit nos excellentes voix et notre sélection personnelle de musique. Et nous passons à une autre nouvelle, M. Castegan. Oui, ben on va encore parler de Microsoft. Damn! Parce qu'il nous reste encore une nouvelle, Michael, qu'on a oublié d'aborder. Qu'on a éludé. Oui. En fait, il s'agit de Microsoft fait signer des studios japonais. Oh! Voilà, c'est fini, on passe à une autre. Non, en fait, ça serait le magazine Kotaku qui parlait, faisait un dossier sur l'avenir de la Xbox One et qui avait remarqué notamment qu'il y avait plusieurs titres quand même japonais sur la console du géant américain. Donc, ils se sont, en faisant une petite recherche plus loin, ben ils ont remarqué que Microsoft avait effectivement signé avec plusieurs studios japonais et ça a été confirmé aussi par le président de Microsoft qui s'est fait rassurer en disant « Oui, on sait, on essaie de traverser beaucoup le marché japonais, mais... » Vous êtes mieux de vous lever tôt, Microsoft, parce que la PS4, la PlayStation, Sony au Japon... Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Mais c'est ça. Fait que dans le fond, oui, c'est dit qu'on essaye d'avoir des gros titres japonais pour percer le dit marché japonais. Donc, on va leur souhaiter bonne chance et espérer que votre strike légendaire auprès des Japonais va finir par s'estomper. Ben oui. Hey, on voulait, en même temps, pendant que j'y pense, je fais un rappel à la fin de l'émission, on vous invite, puissance maximale, à vous rendre à l'Université Laval ce samedi, parce que ce samedi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fiesta ludique de nos amis Philosophia, les éditeurs de jeux, donc jeux de plateau, jeux de société, ils vont être là. J'étais là l'année passée, j'étais bouche buée, parce que c'était assez solide. Il y avait... C'était pas bouche bée, c'était bouche buée. Non, bouche buée, pour prendre justement une... je pense que c'est Pérus qui a dit c'est ça. Pérus. Je me rappelle pas dans quel album, dans quel tome, mais oui, effectivement, j'étais bouche buée, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça se passe à l'Atrium du pavillon d'Oconinck à l'Université Laval. C'est un rendez-vous pour les maniaques de jeux, aussi ceux qui veulent en découvrir, parce qu'évidemment, il y a des animateurs sur place. Il y a vraiment une grosse variété de jeux qui sont déjà placés, mais en plus, il y en a quelques-uns qui sont disponibles en jeu libre. Donc, ça vaut la peine de se présenter. Je me rappelle pas, par exemple, s'il y a un coût à l'événement. Il me semble que non, mais avant de dire des niaiseries, je me rendrai sur la page Facebook de l'événement. J'ai ça entre les mains. Non, c'est gratuit pour tous. Donc, de 10h à 22h, on s'entend-tu que vous avez le temps samedi d'aller faire un tour? En tout cas, Puissance Maximale va être là en début d'après-midi pour aller faire notre tour. Jaser avec les gens de Philosophia qui organisent l'événement et sûrement jouer quelques parties. Non, c'est ça, nous autres, arrive là. Nous autres, on se pointe, on fait salut, puis on s'en va. Non, on dit ça, on va faire nos fringues, nos gilets, Puissance Maximale, puis... on fait juste ça, nous autres. On fait juste ça. Donc, au menu, je peux même vous parler, justement, il y aura un rallye ludique. Fairy Tail, Splash Attack, Cardline Animaux et Panic Lab. Il y a évidemment une boutique qui va être là, qui prend le paiement comptant Visa et Mastercard. Donc, vous pouvez amener votre carte, c'est pas un problème. Il y aura des activités spéciales, défis, initiations et découvertes de jeux. Plus d'une dizaine de nouveautés, dont les jeux Blueprints, La Route du Verre, Maître Couturier, Relic on Runners, Opération des Rouges, le jeu, la Boca et bien d'autres. Il y a des jeux géants, dont un Pandémie géant. Ça, on va aller voir ça. Un Pandémie? Oui, le jeu Pandémie, qui est un excellent jeu co-op. Justement, je ne sais pas si tu as déjà joué, Pierre. Pas du tout. En fait, c'est un jeu co-op où on incarne finalement des personnes, des gouvernements, des grands regroupements médicaux dans le monde et on doit vaincre une pandémie mondiale. Ça se passe justement tour par tour avec différentes cartes d'habilité qui nous permettent d'enrayer la maladie. C'est un jeu co-op. C'est un excellent jeu. J'avais joué, entre autres, avec monsieur... François Gécouillard, notre grand Manitou, ainsi que Vincent, qui est ancien animateur de l'émission, on avait joué à 3, on avait gagné au dernier tour. Vraiment, et c'est moi j'adore les jeux coop à la base, puis ça c'est un must pour les amateurs. Donc il sera géant sur place là-bas. Donc il faut vous y rendre comme je disais au pavillon Charles de Coninck de l'Université Laval ce samedi 30 novembre de 10h à 22h. Donc voilà, c'est dit et on va y être en début d'après-midi pour aller faire justement un tour ludique et faire et parler avec les gens. On va avoir une entrevue après à vous présenter 2 semaines après l'événement, donc à notre retour en onde. Voilà, je voulais être sûr de pouvoir parler de l'événement parce que c'est un incontournable selon moi à Québec au niveau ludique. Je voulais pas oublier d'en parler. Donc Monsieur Castegan, vous pouvez y aller avec une autre nouvelle ludique. Alors, on va parler d'une série que t'aimes beaucoup, Monsieur Michaud, The Witcher. Oh oui. En fond, le troisième volet est en route. Ça va tellement être dans mon ordinateur ça dès que ça sort ça. Ben juste pour t'avertir, à date, il y a eu quelques trailers qui sont sortis, mais ça reste que le jeu, il n'y a pas tant d'informations que ça qui a été découlé. Non, effectivement. Donc, CD Projekt a annoncé que lors du 7 décembre prochain, lors de la cérémonie organisée par Spike TV qui s'appelle les VGX, qui est comme un peu un gala de... De jeux vidéo. De jeux vidéo, où on donne des Oscars jeux vidéo. Fait que les VGX Awards, comme on appelle. Ben, CD Projekt a dans le projet de faire des grosses annonces concernant leur franchise de Witcher. Donc, on devrait avoir plus de détails le 7 décembre prochain. Oh, qu'on va surveiller ça, puis qu'on va vous en parler à notre retour de notre mini-congé la semaine prochaine. Ça va être malade. Moi, j'ai tellement hâte. Justement, j'ai des plein de wallpapers qui sont en rotation sur mon ordi, puis à chaque fois que ça tombe sur Witcher, je fais « Oh oui! » J'ai envie, en fait, de me réinstaller le 2 pour pouvoir refaire le 2. Là, je me suis remis dans le classique là, la semaine passée à cause de... D'ailleurs, je vous ferai sûrement une petite critique de la série Clone Wars, Star Wars, que je suis en train de me taper présentement. Que j'ai vu au complet. Ouais, c'est malade. Sans farce, ben, je ferai ça en plus grand détail. Mais je suis en train. Puis là, en force d'écouter ça, je fais, je file Jedi, je file Star Wars. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinstallé les jeux KOTOR, donc Knights of the Old Republic, sur mon PC. Bon vieux classique. Dans les meilleurs RPG que j'ai joué, c'est dans les débuts où BioWare était là avec son fameux système d'influence sur les NPC. Il fallait vraiment faire attention à ce qu'on faisait, à ce qu'on disait avec notre personnage. Donc, moi, je suis retombé là-dedans à pieds joints. Mais là, ça va peut-être se gâter parce que là, d'ici quelques jours, je risque d'avoir Assassin's Creed 4 Black Flag chez nous. Donc, ça risque... Oui, ça prend beaucoup de temps, ça, je peux te le dire. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de l'essayer puis de vous en parler. On en a parlé un peu sur la PS4. Je vais vous en parler un peu version PC également. J'ai hâte de faire le comparatif au niveau graphique. Voilà. Tout ça pour dire que... Je suis allé là-dedans, pourquoi, là? Je m'en rappelle pas. Tu parlais de Star Wars. Parce que t'avais hâte de jouer à Witcher. Non, c'est ça. Puis là, j'avais le goût de réinstaller le 2. Mais là, finalement, j'ai... Dans un mood rétro. Puis là, finalement, je suis retombé avec... En place de réinstaller Witcher, j'ai réinstallé Knights of the Old Republic. Voilà, le lien est fait. Merci beaucoup, Andrew, de l'avoir fait pour moi. Andrew, il est génial pour faire un trait en deux points. Ouais, là, c'est chiant, mais là, t'arrêtes ça là. J'ai étudié là-dedans, t'es l'informatique, là, t'es service à la clientèle. Des fois, quand il y a du monde qui nous parle, il faut effectivement faire un trait en deux points pour que et ça connecte. Une dernière nouvelle, M. Castellan, avant de partir en musique. Les prototypes d'une Steam Machine construits par iBuyer. C'est comme dans acheteur, là, mais en anglais. En fait, c'est nos confrères, parce que oui, on les connaît très bien, d'Engadget, qui se sont procurés un prototype de la Steam Machine élaboré par la compagnie CIOCité. Et dans le fond, c'est un... Juste pour vous donner une idée, iBuyer, c'est un gros site qui vend des pièces d'ordinateurs en Amérique du Nord et qui fait de la construction aussi d'ordinateurs. Donc, mettons que tu commandes toutes tes pièces, ils peuvent te le monter et te monter. Je savais même pas. Et dans le fond, ils font un partenariat avec Valve pour les constructions des premières Steam Machines. Et là, il y a deux prototypes qui sont identiques en tout point, à l'exception de la barre lumineuse, qui n'est pas de la même couleur, qui portent le charmant nom Gordon et Freeman. Un bel hommage à la série Half-Life, doit-on le rappeler? Oui, effectivement. Et en fait, c'est deux... Pourtant, trois déjà? jamais. Ah, c'est confirmé. C'est ils m'ont acheté des affaires, mais ils n'ont pas d'annonce, mais c'est confirmé. Ils ont acheté le site web. Ben, c'est ça. Ben, tout ça pour dire que la Steam Machine, elle serait capable de rouler les jeux en 1080p avec un 60 frames par seconde, donc quand même très, très fluide. Et il y a des petites images sur Internet là, de la machine. Et je vous dirais que ça rappelle énormément la PS4, mais à l'exception qu'elle n'est pas faite en italique. Dans le fond, c'est comme une boîte. Ouais, voilà. Donc, voilà pour le prototype de la Steam Machine. J'ai quand même hâte de voir... Ben moi, j'aimerais ça avoir l'occasion de l'essayer pour la manette, sérieusement. Ouais? Mm-hmm. Genre, la pas de joystick avec juste des touchpads? Ouais, mais avec le genre de mini-écran au centre puis un design qui rappelle un croissant. Ouais, moi, je suis vraiment pas convaincu. Pour avoir testé, faut dire que là, c'était sur un petit téléphone, mais avec mon ancien téléphone Xperia Play, des joysticks genre... Non, mais virtuels. Là, il est nervuré. C'est comme plein de ronds, là, tu peux... Non, oui, c'est sûr. Ça va tellement changer de quoi. En tout cas, bref, mais écoute... Je suis pas de mauvaise foi, je veux l'essayer. C'est Valve, c'est Steam. On leur souhaite quand même un petit peu plus de chance que pour la Wii U, là. Ah, ben là, c'est pas de la même catégorie, par exemple. Non, c'est ça. Il y a eu un gros hype avec la Wii U, mais ça s'est vite calmé. Donc, merci beaucoup, M. Castigan, de nous avoir parlé de ça. Et on s'en va avec deux chansons back-à-back. On vous envoie un classique de la musique française avec Charles Aznavour et son « Amenez-moi » que j'adore chanter d'ailleurs dans les bars une fois que j'ai pris 12 ou 13 bières de trop. Et aussi, tout de suite après, un classique selon moi du power metal allemand, mais du power metal en général, le groupe Blind Guardian avec sa chanson, son hymne,

lost in the witches when you speak of God. Monstrous and clever for sure, fearful into the unknown. Crackly and cracked in new horror, it's a tyranny. Let's feel the thunder when the old king was slain. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après d'excellentes chansons. On vous envoie dans vos oreilles « Amenez-moi » de Charles Aznavour et « Nightfall » de Blind Guardian. Et maintenant, il est temps de revenir en nouvelle ludique, M. Castegan. Oui, on va parler d'un casque qu'on a eu l'occasion d'essayer. On en parle beaucoup depuis quelque temps. L'Oculus Rift. Oh oui! Chose qu'on a eu l'occasion de tester lors du Warp Zone et que tous les deux, on a fait comme « Wow! » Et que moi, après avoir fini de jouer, j'ai fait « J'ai du motion sickness. » Ouais, moi, j'ai du motion sickness de base. Fait que, quand j'ai mis... Mais c'est vraiment intéressant. Mais moi, je l'ai fait debout, ce qui n'était pas une super idée. Non. Mais je voulais pas l'essayer trop longtemps, non, c'est vraiment impressionnant. Et vas-y avec tes nouvelles. Ben, ça a l'air qu'on peut combattre le strabisme. Fuck you, pas vrai? Oui, ça a l'air que la méthode, dans le fond, là, du casque pour simuler l'immersion, dans le fond, là, ben, il paraîtrait que c'est quelque chose qui permettrait de corriger et de muscler, rééduquer l'œil à régler le strabisme. Donc, dans le fond, il y a des sociétés américaines qui ont vu ça et qui ont commencé à se dire on pourrait développer des applications sur ce casque-là pour permettre aux gens souffrant de strabisme d'exercer leurs yeux pour pouvoir ainsi régler la problématique. Donc, il y aurait possiblement un investissement dans le Oculus Rift pour que ça devienne ainsi un accessoire non seulement ludique, mais aussi médical. Diantre, quelle bonne nouvelle! Ah, c'est génial. Moi, ce que je pense faire, moi, je vais jeter mes lunettes, je vais m'acheter un Oculus Rift, puis je vais mettre une caméra, puis genre, je vais juste regarder à travers mon Oculus Rift. Et voilà. Le pire dans tout ça, c'est qu'à part que la version qu'on a essayé, c'était dans le fond le dev kit, là, dans le fond, qui n'était pas la version finale du casque, donc les écrans n'étaient pas en HD, puis la résolution n'était pas si bonne que ça. Mais là, ça s'en vient en 1080p. En full HD, ouais. Mais c'est surprenant. Sérieusement, la technologie que le casque utilise... C'est vraiment surprenant pour créer l'effet de submersion, dans le fond, dans le jeu. Fait que, tu sais, je serais pas étonné, justement, qu'avec une genre de simulation, on serait capable de traiter ce problème-là. Si tu joues dans un jeu de sous-marin, on pourrait parler de submersion. Avec une chaudière. Avec une chaudière fouche. Et moi, j'ai une autre nouvelle quant à l'Oculus Rift, mon cher Andrew. John Carmack quitte ID Software. Et oui, petit coup de tonnerre chez ID Software la semaine passée, puisque John Carmack quitte officiellement le navire. On parlait de sous-marin. On avait un bouton là, pour pouvoir dire que j'ai fait un mauvais jeu de mots. On a tout ça? Je vais te le trouver. C'est bon. Donc, c'est ça qui est officiellement le navire, M. John Carmack. Et il va finaliser son travail. On vous rappelle qu'ID Software est derrière Doom, Wolfenstein, entre autres. Attends un peu. J'ai pas le tout Doom Tush, mais attends un peu. Voilà. Elle est bonne, hein, ma joke? Ah oui. On n'utilise jamais les effets sonores de la console et je viens de me rappeler pourquoi. Donc, sinon, il y a aussi celle-là. C'est un peu mieux. Oui, oui, quand même. Et donc, John Carmack, cofondateur d'ID Software, programmeur de génie, à qui on doit les jeux donc Doom, Quake et Rage, mais Carmack a rejoint les créateurs de l'Oculus Rift, justement. Donc, en fait, il est le dirigeant. Ouais, ben c'est ça. Ben il a décidé de quitter ID Software pour diriger la gang de Oculus Rift puis de laisser de côté ID Software. Donc c'est quand même une grosse nouvelle. C'est pas n'importe qui, M. Carmack, et ID Software non plus, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà ma petite nouvelle pour l'Oculus Rift. Mais qu'est-ce qui est quand même une très bonne nouvelle? Moi, sérieusement, j'imagine que ID Software. J'avais l'idée. Demander pour puissance maximale de faire la demande, dans le fond, pour en avoir un du dev kit, là, pour pouvoir l'essayer plus en détail que juste Warp Zone, des choses comme ça. Quand j'ai vu qu'il demandait un montant quand même assez élevé pour l'avoir, j'ai fait on va laisser faire. Non, c'est ça, il l'envoie pas en tant que gentil monsieur. Voici un Oculus Rift gratuit que vous pourrez tester chez vous. Mais quand il va sortir, la version finale avec les écrans, par exemple, s'il est au même prix que le dev kit, on va peut-être vérifier qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ça va être sur PC seulement et ne sera pas compatible pour les consoles, ce que beaucoup de personnes ont décrié d'ailleurs. Mais bon, moi, c'est sûr que je suis un fan fini de jeux PC. Donc, mais qui sait, ça va peut-être évoluer, puis à un moment donné, Sony ou Microsoft vont faire « Ouais, OK, on pourrait peut-être investir là-dedans. » Non, c'est sur ça. Une prochaine version de console, parce que là, c'est comme s'il faudrait qu'ils mettent deux cartes vidéo dans chaque console. Ouais, ça commence à faire une grosse console. Là. Ou peut-être que d'ici ce temps-là, ils auront trouvé un moyen. Ils pourront justement, avec un développeur, avec une des compagnies là, qui fait ces consoles-là. Un développeur tierce. Voilà, pourront peut-être avoir une solution, peut-être avoir justement quelque chose qui se plug... un splitter, whatever. Moi, je suis pas très, très technique, là, mais peut-être qu'il va être... On va définir ça comme une gogosse. Une gogosse, et voilà. Un peu comme le X32 là, qui se mettait sur la vieille Sega, c'est ça? Ça remonte à longtemps. Une gogosse. L'affaire qu'on pluguait dans le slot de la cassette pour améliorer la performance. Puis, doux souvenir. Ouais, c'est ça, la 32X. Oui. Doux souvenir. Ou le Sega CD. Le doux souvenir, mais quelle arnaque. Oui. J'en veux un. De quoi, c'est un 32X? Oui, puis un Sega CD. Ben, sûrement que tu pourrais trouver à la planque. Mais je veux, je suis à la liste d'attente, justement. Ah, d'accord. Mais tu sais, Sega CD pour Sega CD, puis un 32X pour Knuckles 32X. Knuckles and Chaos X. Oui, il faut rappeler qu'Andrew est un gros fanboy de Sonic et de ses univers, les univers qui tournent autour et autres personnages intrigants. C'est que... Voilà. Et j'ai pensé tantôt en faisant ma voix, je préfère une voix, tu sais, une vieille voix de narrateur de films des années 50 du Québec, là. Les premiers films ruraux, là, on pense à l'Abbé Proulx, là. Et oui, je viens de faire une référence à l'Abbé Proulx à puissance maximale. Il va peut-être avoir une personne écart qui va comprendre la référence si Monsieur Barbu écoute l'émission présentement. C'est une genre de voix... Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Puissance Maximale, cette émission pour les Canadiens français qui aiment les jeux. Ça pourrait être quelque chose du genre. Je préfère une émission complète là, avec cette voix-là, ça serait drôle. Ou encore... Soirée canadienne. Ouais, mais c'est ça. La voix de... Non. Non, pas cette voix-là. Non. Comment il s'appelle déjà? Yil de Télène. Ouais, c'est ça. Un personnage que je joue dans un Grandeur Nature qui a un accent hispanique. Donc, ça passe deux heures à parler comme ça. C'est vraiment ridicule. C'est pas un bon accent. C'est même un accent très stéréotypé, mais je parle deux heures comme ça. Et les gens sur les yens, ils font « Ah non, pas encore lui. » Hé, mon ami, tu parles ici à Garulf, là, qui a fait en masse de GN. Tu n'as rien vu, Mais c'est pour ça que c'est drôle, hein, de faire cet accent complètement ridicule, parce que tu vas en GN, puis tu sais, il y a un accent subtil et représentant bien la communauté hispanique, ben, c'est plus ou moins drôle. Fait que quand tu fais un gros accent comme ça, ça l'est encore plus. Mais je pensais justement utiliser ce genre d'accent-là dans notre prochaine game de Pathfinder, mon cher Andrew. Parce que ça, c'est dans notre prochaine entrevue Vox Pop. Non. Vive non. Pathfinder. Ouais, on va faire... On en a parlé quelquefois à l'émission que moi et Andrew, on faisait une quest de Pathfinder qui s'appelle encore Rise of the Rune Lord. J'ai moi-même fait et que je fais vivre désormais à ma tendre et douce. C'est une solide quest pré-kit sur Pathfinder, sinon leur meilleur. Moi, j'en ai lu beaucoup avec justement mon master, puis sans farce, là, dans les très bien construites, là, vraiment impressionnantes. Je m'excuse, mais comme manière, c'est la prochaine que vous allez faire, Skulls and Shackles, pirate. Non, c'est ça, pour les amateurs de pirates, c'est ce qu'on va faire, nous, moi et Andrew. Et là, j'ai décidé aujourd'hui quel serait mon personnage, et ce sera un halfling rogue. Fait que les deux snooze, prenez des notes. Ouais, c'est ça, les gars, pour la prochaine parodie, là, c'est le temps, là, on dit plein de niaiseries. Non, c'est ça, je vais faire un halfling rogue. Archétype pirate. Pis, c'est cool ça. J'avais fait un archétype pirate moi aussi. Mais je veux dire, quand tu fais un rogue dans cette quest-là, je pense que c'est. Mais par contre, il te manque quelque chose quand tu fais un archétype rogue. Il te manque un gun. Donc pour ça, tu fais un gunslinger comme ce que Andrew va faire. C'est ça. Andrew va reprendre un personnage qu'il avait pris en attendant dans notre game de Rise of the Rune Lord. Ouais, quand je suis mort. Ouais, cause d'une faille dans une application mobile. bref. Puis que Chrome t'a fini. Ouais, il m'a fendu. Il m'a fendu à coup d'épée de main. Mais, parce qu'il n'y avait pas sa hache à l'époque. Il n'y avait pas son marteau à l'époque. Mon énorme marteau. Mais non, il va faire Azin. Tu refais le même. Oui. Exactement. Donc, un nain gunslinger. Sans faire, c'est une combinaison assez dangereuse pour les amateurs de Pathfinder. Parce qu'il était le fun à jouer, puis je trouve que j'ai pas eu l'occasion d'approfondir la personnalité de ce personnage. Ben, tu vas avoir le temps. On part du level 1, on finit normalement au level 15 environ. La seule chose, par exemple, ça va être la première fois de ma vie que je vais jouer un personnage donc en normal fantasy, donc avec des stats pas super épiques. On va aller, ma plus grosse stat, c'est un 16 en point de bail, donc ça va être, j'ai hâte de l'essayer, ça va vraiment être une autre dimension. Parce que... Ça te permet de un petit peu plus capitaliser sur le roleplay, ce qui, justement, dans Skull and Shackles, est très important. C'est pour ça que je me suis fait un perso très social. Pas trop, mais en même temps aussi, je veux dire, un 16, c'est très acceptable. Oh oui, c'est pas mauvais du tout. C'est juste qu'habituellement, quand tu as des statistiques pour ton personnage qui sont plus hautes, disons, à... À 21, on parlait de l'intelligence de mon mage. On avait High Fantasy avec notre gang de Rise of the Rune Lord. Ben, avec ou sans un bandeau qui augmente ton intel? De base, 21. Ouais. Ouais. Ah, oh, là. Ouais, mais il faisait un genre d'elfe de la citadelle avec tout plein d'intel. Mais. C'est pas une excuse. Mais je suis une merde partout ailleurs. Non, c'est ça. Monter une échelle, pour moi, c'est un défi. Une espèce de mini-maxeur, toi. Mais on a trouvé le truc pour ça. Mais... on met le mage dans le bag of holding. Ouais, c'est ça, c'est un bon truc. Ça. Ça aussi, on a fait ça souvent. Ben, surtout à la fin de Rise of Rune Lord. Chrome aussi, il faisait ça parce que Chrome, pour la subtilité, c'était zéro point de barre. On rappelle que Chrome est un demi-orc barbare avec un gros marteau. Mais non, tout ça pour dire que quand tu joues en normal, disons pour les statistiques, ben t'as ta statistique forte que tu vas garder, une vraiment médium, puis le reste va vraiment être normal. Contrairement à du high ou à du epic fantasy ou à peu près tout, tu peux avoir deux médiums quand tu fais dans le high, puis ça fait des personnages dont... c'est pas super fort non plus, parce que, je veux dire, nous on l'a fait à High Fantasy, Rise of the Rune Lord, puis il y a des bouts, on trouvait le temps long en crime, pour pas dire autre chose. Là. Trop, c'est comme pas assez. Ouais, mais c'est ça, ça enlève un peu, tu sais, me faire dire que je suis power player, parce que moi, quand je fais un personnage, je vais aller chercher, selon mon concept à moi, de ce que je me fais comme personnage que je veux faire, je vais me chercher la race qui fit le plus, puis la classe, puis évidemment... je vais aller me chercher la race qui fit le plus avec la classe. T'sais, je me ferai pas, justement, un mouton. Je lance ça, un orque barde. Je lance ça comme ça, Andrew. Ça peut être mais amusant. Mais avoue, tu y as cru. Un peu, ouais. Ben, et de là, mon fait, barde, fais surtout des tambours, je dirais. Hein. Fais une mise en contexte. Non, c'est ça. On a un groupe Facebook pour la game. Puis là, tout le monde dit, moi, je vais faire ça, L'Andrew, là, il y a notre master, Marquis, qui m'écrit... qui écrit sur le groupe, Andrew vient de me texter, il va faire un orc barde. Moi, j'écris trois petits points. Premier message, deuxième message, tu me niaises. Et moi, quand j'ai eu ça, j'ai eu la première réflexion, je me suis dit, voyons, c'est une blague, là, je vais écrire que c'est une blague. Et après ça, je me suis dit, et je vais embarquer dans le bateau. Puis il marque, non, c'est pas une joke, ça fait vraiment pirate. Puis moi, je réponds à ça, kill me. Mais ça pour dire qu'il y a une différence entre optimiser un personnage et du power playing où on compare justement avec des grosses statistiques. Tu sais, le rogue à la base c'est pas un personnage très baston. C'est plus on va plus aller au niveau ça des peut être des monté pour. On en avait un rogue qui était très baston, surtout quand tu Mais le problème du rogue quand tu le montes baston, t'as d'affaires à pas rentrer trop souvent de construction de mort vivant ou autre là, parce que le principal atout du combat, c'est le sneak attack du rogue. Le sneak attack, désormais, est utilisable sur des morts vivants Pathfinder. Ça prend un feat. T'es sûr? Oh oui. Puis moi, ça me tente. Sûr. Moi, je préfère grandement avoir un personnage de rogue avec du skill. Les feats, Mike, as-tu une référence là-dedans? Ben, en fait, dans la création de personnages, parce que quand j'écrivais, parce que avant j'étais master, puis à cette heure, je mets vraiment ça de côté. Ah, je me souviens d'une très très bonne game de Pathfinder. ça fait longtemps. Complètement improvisé. Oui, c'était bon. Mais mes games de Pathfinder, moi, je les écrivais toutes. C'était monté de A à Z dans ma petite tête. C'est vraiment, mais vraiment long. C'est que des NPC, là, j'en ai construit, puis j'en ai fait, puis des possibles personnages, j'en ai fait. Puis je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Donc, à force de faire ça, on s'habitue puis on commence à connaître le système assez bien. Je masse en ce moment une game de Star Wars D20 et énormément de travail je fouille l'Internet à chaque fois. Mais tu vois, moi, je serais moins... maintenant que j'ai écouté Clone Wars, que j'ai lu un peu plus sur la série, je serais plus tenté à vouloir rejouer à un jeu de table Star Wars ou le Master ou peu importe. Là. Parce que moi, je trouvais à l'époque, en ayant juste les premiers films, puis un ou deux films de la prélogie à l'époque quand j'ai joué, j'avais pas beaucoup de références, puis je trouvais que c'était un peu limité, puis j'avais pas lu les romans, j'avais pas lu les BD, puis tu sais, ma gang de chums, on trippait main de Jedi, fait que tu sais, tout le monde fait des Jedi, puis on fait, tu sais, 5 Jedi, une place, là, même ouais, si... Ça torche, même surtout si, en vieille version des 6, pardon. Des 6, ouais, parce que tu sais, dans le D20, tu regardes ça, tu fais des bonhommes level 1, le Jedi est pas si plus puissant, disons, que les autres classes. Pour level. Non, c'est ça. C'est pas comme tu regardes dans les séries, tu sais, même un Padawan peut virer un soldat. C'est pas trop compliqué, là. C'est pas représentatif de ce qui est dans l'univers. Mais en même temps, tout le monde ferait ça, tout le monde serait ultra powerful. Justement, nous autres aussi, on joue à l'époque Clone War, et ils sont des Jedi, et ça torche. Mais c'est ça. Maintenant que j'ai tout l'univers en tête, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Mais bon, là, écoutons, on vient-tu de faire un segment roleplay, nous autres, là? Ben ouais, oui, ça me t'est dû. Juste pour vous dire, messieurs, je voudrais tellement rejouer avec vous, ça fait vraiment trop longtemps. Ah, il y a plein de monde qui me dit ça. Non, mais c'est surtout le fait... déjà invité plusieurs fois. Oh oui, ben oui. Mais le problème, pourquoi j'ai pas venu jouer à ma game de Sailor Moon des vins que j'ai créé moi-même comme système? Ben, si tu viens de dire les deux mots, Sailor puis Moon... Non, mais... c'était les délicieuses filles de la Team Incognito qui sont venues jouer. Ah, c'était génial. Voilà. Donc, c'est un segment roleplay amené comme ça. Là, à la volée. À brûle pour point, comme ça, là, dans l'émission. Et on va aller en musique, M. Castegan. Écoutez, je suis pas prêt. Bon, ben ça va me donner le temps de parler d'un événement, un Made Café qui s'en vient justement en fin de semaine. C'est justement Pierre qui m'a parlé de ça. Pendant la pause musicale tantôt. Samedi, vous allez sortir jouer à la Fiesta Ludique. Et dimanche, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous pourrez vous rendre au Cégep Saint-Lawrence, qui est tout près de l'Université Laval. En fait, pour être bien précis, c'est derrière la pyramide. Vous vous rendez là pour un Made Café. Donc, un Made Café, on vous rappelle un peu c'est quoi le principe. Vous arrivez au local, vous pourrez acheter des consommations, à boire et à manger, et vous serez servi par des maids, donc des soubrettes. Des soubrettes, souvent vues dans plusieurs séries animées ou mangas. Donc, maid en fait, maid à la française un peu, rhum noir, tablier blanc, le petit truc dans la tête, petit cerceau. Et là-bas, vous pourrez avoir des onigiri avec de la salade, rouleaux impériaux, il y aura des sushis, desserts et tout. Et je vais juste vérifier si j'ai pas le prix proche. Vous allez pouvoir acheter des repas sur place. Il va y avoir aussi des butlers, donc pas juste des maids, mais il y aura aussi des garçons qui vont pouvoir vous servir. Il y aura un mini mascarade, karaoké et autres activités, donc pour les amateurs du genre, de culture populaire japonaise, disons, ben vous pourrez vous rendre au Cégep Saint-Lawrence, c'est de 11h30 à 4h de l'après-midi. Et voilà, et on s'en va en musique, M. Castegan, avec la chanson « Dans la capitale » du groupe Mes Aïeux. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. CJMD débute la journée du bon pied avec Laurence et Mathieu. Horoscope offre d'emploi, actualité et musique entraînante. Deux toasts et demi le matin, du lundi au jeudi, 8h. CJMD FM. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Wake up! Wake up! Vous aimez ça? Ben, en voulons encore. Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. La cerise sur le sundae. Je suis content de mon ouvrage et mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein? CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. En semaine, du lundi au jeudi dès 20h, ne manquez pas les rois du sport avec Valier Roy et ses chroniqueurs. La comptabilité vous donne des maux de tête. Baudry Dawson Service Comptable vous allège la tâche et réduit votre niveau de stress. Tenue de livre, paye ou même transfert électronique, Baudry Dawson s'en occupe pour vous. Baudry Dawson, Service Comptable, 425 Chemin des Chutes, Saint-Nicolas. 418-836-1881. Le temps des fêtes arrive. Qui dit temps des fêtes dit cadeau. Qui dit cadeau dit party. Animateur d'expérience pour combler votre soirée, jeux de lumière impressionnant et avec un système de son de 800 watts. À partir de $650. Discothèque mobile, animation, 418-835-7776. Discothèque mobile, animation, 418-835-7776.

Rental Floss, you're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo! Et oui, de retour à Puissance Maximale, après mes aïeux et dans la capitale. Et nous sommes de retour en nouvelle ludique, Monsieur Castegan. Oui, si vous êtes un fan de la franchise Lego Something Something, inséré ici nom d'une franchise de film, il y a eu une annonce Lego The Hobbit. Confirmé pour le printemps 2014. Ça va être drôle. J'ai souvent vu des vidéos des jeux Lego, puis je trouve ça vraiment drôle, mais j'ai jamais joué. Faudrait que je m'y mette. Ah, j'ai essayé. Malcami en a. Ah, j'ai emprunté ça. J'ai essayé toutes les Star Wars, qui sont déjà cool, mais le Lego Marvel, il est très bien. Ben, fais-moi ça, Julien nous en parlait aussi à une émission, il paraît qu'il est assez solide. Faut que je regarde ça. Moi, je voulais, à un moment donné, c'est quel que j'avais trouvé drôle. Ah, c'est là. Ils ont fait Lego Harry Potter, puis au début d'un film, t'as comme une pub, là, mais j'ai tellement trouvé ça drôle. Là. T'as le Voldemort Lego qui essaie d'avoir l'air méchant, là, c'est pissant. Mais non, c'est ça, vous pouvez retrouver des jeux Lego sur plein de franchises. Donc, voilà, l'annonce est faite pour le Hobbit. C'est pour quand? Peux-tu me rappeler ça? Printemps 2014. Hurrah! Donc, passons à une autre nouvelle et on va aller vers Grand Theft Auto. Mais Grand Theft Auto San Andreas sur vos mobiles, mesdames et messieurs, en décembre. Donc, comme Grand Theft Auto 3 puis Vice City, San Andreas aura lui aussi droit à une adaptation mobile sur iOS, Android et Windows Phone pour le mois de décembre. Donc, Rockstar annonce des graphismes remaniés avec un système d'ombre dynamique, une palette de couleurs enrichie et de nouveaux modèles de personnages et de voitures. Ça, c'est ma voix de vendeur radiophonique. Donc, cette édition proposera en outre une jouabilité revue par rapport aux précédentes adaptations mobiles de la série, ainsi qu'un support pour les manettes compatibles. San Andreas est initialement sorti en 2004, on vous le rappelle, sur PlayStation 2. Donc, voilà, c'est fait pour la version mobile de Grand Theft Auto. D'ailleurs, je veux vous rappeler rapidement que les nouvelles dont on parle à Puissance Maximale sont majoritairement tirées du site jeuxvideo.com. Parce qu'ils sont déjà en français, puis ils sont généralement assez sacoches. Ouais, ben habituellement, on peut retrouver tout ce qui sort comme nouvelle sur ce site. Et voilà. Et autre nouvelle, M. Castigan? Saints Row 4 fête Noël, le nouveau DLC qui va sortir le 11 décembre, où les Saints partiront à la rescousse du Père Noël perdu et coincé dans la matrice. Je trouve ça bon. J'en ai déjà parlé, je pense, quand on avait parlé de Grand Theft Auto. J'aime la série Saints Row. Ça opère, il y a beaucoup d'action, mais c'est ce petit côté-là, des fois, qui me fait décrocher. Comme dans le 4 avec les extraterrestres, j'ai pas joué au 4 encore, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Le 3, Central's The Third, j'allais chez nous, il est solide, il est cool, c'est un bon jeu, ça, c'est un Grand Theft Auto arcade-like, là, ça évoque Tos. On se casse pas la tête avec les Christy de garage, mais c'est vraiment, mais la 4, là, je suis comme moins convaincu, mais bon, il y en a qui... Il n'y a pas de prix de sortie pour le DLC. On a Pierre qui essaie de se renseigner subtilos. Là. Ton micro est allumé, Pierre. Oui, je sais. Et parlant de jeux sur mobile, Assassin's Creed Pirates s'en vient sur mobile. La version pour smartphone et tablette d'Assassin's Creed 4, baptisée Assassin's Creed Pirates, excusez-moi. La différence avec Compagnon, c'est pas la même chose. Non. C'est deux applications différentes. Sera disponible sur Android et iOS le 5 décembre prochain au prix de 4,50€. Pourquoi est-ce que c'est pas déjà dans mon téléphone? Ben, ah oui, c'est vrai. Et la magie des choses, mon téléphone n'est pas capable de faire fonctionner. La magie des choses avec les applications mobiles, c'est comme là, on dit 4,50€, mais ça va être probablement 3,99$ sur le marché canadien et américain. Genre, donc Ubisoft va développer un mode. C'est une règle générale, Pierre, à peu près. Non, c'est parce que, me semble, le taux de conversion avec les euros, d'habitude, c'est coûteux. Ouais, ça mais coûte plus d'argent canadien pour faire des euros. En Europe, le jeu vidéo, c'est pas pareil. On a eu, c'est Diego qui nous avait fait un moment donné une chronique sur la différence des prix que coûtent les jeux vidéo à l'achat pour les consommateurs ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, on est très chanceux au Canada et aux États-Unis. C'était pas en Australie. En Australie, ça, c'était assez malade. Ouais, deux fois, non, plus que deux fois, c'était des prix exorbitants. On vous invite d'ailleurs à aller chercher ça sur puissancemaximale.com, cette chronique très, très intéressante. En fait, toutes les chroniques de Diego sont très intéressantes, mais celle-là... Toutes les chroniques sont très intéressantes, ouais, à Puissance Maximale. À la base, mais on va éviter plus d'auditeurs comme ça pour nous flatter dans le sens du poil. Moi, Puissance Maximale, c'est ma religion et je suis venu ici en apportant une offrande. Ben oui, c'est ça que je voulais dire, mais là, tu viens de scraper ma fin d'émission, toi, là. Oh. Merci beaucoup, Pierre, il nous a amené des boissons, là, des chips, des affaires pour grignoter parce que... autres, on sort du boulot, on vient ici, puis on mange pas avant de venir faire l'émission. On sort de 7 à 8 heures, on s'en va monter, puis là, on est affamé quand on sort. Merci beaucoup, Pierre, de nous tenir en vie jusqu'à 8 heures. Mais ça me fait plaisir. Donc, juste pour finir la nouvelle sur Assassin's Creed Pirates, ben c'est donc Ubisoft qui a développé un moteur spécifique aux jeux de tablettes et mobiles. Donc, vous pourrez admirer une partie du résultat à travers les quelques screenshots que vous pourrez trouver au jeuxvideo.com. Vous tapez Assassin's Creed Pirates et vous pourrez trouver la nouvelle très facilement. Donc, je suis en train de regarder ça rapidement. Puis ça a belle allure pour du mobile. Je suis... pas bouche buée, mais quand même, je trouve ça cool. Alors, je suis intéressé. Tu vois même une conduite en first person pour les bateaux. Donc, hein, la map me fait penser à un jeu de société, donc la Crique des Pirates, dont j'ai parlé à l'émission. Il y a de cela, j'ai parlé de ça l'été dernier. C'est une île qu'il y a dans le jeu, je ne sais plus laquelle, là, mais je la reconnais. Voilà, donc autre nouvelle, M. Castellan. Oui, Crash Bandicoot, vieille franchise qui est portée disparue depuis 2008 avec le dernier volet de des aventures Crash Génération Mutant. En fait, il y a eu plusieurs rumeurs parce qu'il y a eu des rumeurs de transactions que Crash aurait une compagnie qui rajouterait possiblement les droits pour enlever ça d'Activision. Pour pouvoir faire renaître la franchise, mais tout ça a tombé. Activision a fait une sortie dans le magazine Game Informer, qu'on salue d'ailleurs. C'est sûr que toutes les grosses compagnies écoutent Puissance Maximale. Ah, c'est officiel. Game Informer, dans le fond, Activision ont sorti pour dire que Activision possédait toujours les droits de Crash Bandicoot et c'était pas dans leurs intentions de le vendre et qu'ils étaient en train de continuer d'explorer les possibilités pour réanimer la dite franchise. Donc, si vous êtes fan de Crash Bandicoot, ben, il va falloir encore être patient. Et oui, mais M. Castellan, est-ce que tu aurais une dernière nouvelle avant d'aller en musique une dernière fois avant la fin de l'émission? J'en aurais deux vite, vite. Go! J'en aurais trois vite, vite. Très rapide. Ben oui. Chronomètre, là. On a parlé de Telltale Games à propos de Walking Dead tantôt avec les soldes. Il y aurait des rumeurs comme de quoi que Telltale Games travaillerait sur un jeu Games of Thrones, sur le même fonctionnement que Walking Dead. Il n'y a pas de date présentement d'annoncer quoi que ce soit, mais effectivement, il y aurait eu des confirmations auprès du studio pour dire que effectivement, il serait en travail sur un jeu dans la franchise Game of Thrones. Donc, à surveiller. Sinon, il y a eu du teasing de la part de Bethesda. Il y aurait un possible Fallout 4 qui serait en développement au niveau de Bethesda. Il y a eu beaucoup de teasing sur Internet. Mais non, c'est pas... Mais j'ai entendu dire une affaire de codage, là, caché. Ouais, mais c'est ça. Habituellement, ça, ces affaires-là, faut pas prendre ça vraiment pas pour ce cash. Non, mais c'est à cause que ZeniMax Media, qui est un des sous-studios de Bethesda, a mis en ligne un site avec un compte à rebours, avec la mention « Nuclear Winter is coming, reserve your future home today » avec un numéro 877-260-2299. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à pas encore appeler à ce numéro-là? Et quand on appelle à ce numéro-là, il y a un message qui dit « Ma chère sœur, je me dirige vers l'Institut. Dieu seul sait ce qu'il s'est passé là-bas. Ce vieux bâtard va nous aider. Il doit nous aider. 0321. » On se rappelle de l'Institut dans Fallout où finalement on changeait à propos c'était un androïde qu'on allait qu'on essayait de d'aider en fait des gens à retrouver où on le faisait libérer. Bref, c'est par rapport à cette quest là. Mais j'ai hâte de voir si c'est fondé parce que quand même Fallout c'est assez solide comme franchise. Et dernière nouvelle, sur la Wii U, il y a un jeu que moi, personnellement, j'ai hâte d'essayer, qui s'appelle Bayonetta 2, qui est un jeu qui est à la style Devil May Cry. Mais en fait, Bayonetta 2, faut savoir que s'il arrive sur la Wii U, c'est à cause que Nintendo ont confiance à la franchise et ont décidé d'investir énormément d'argent dans le studio de Platinum Games pour dire, vous faites une suite et c'est nous qui l'avons. Mais là, il y a eu des rumeurs comme de quoi que peut-être Nintendo serait intéressé à ramener le premier volet sur la Wii U. Dans le fond, le revamper pour pouvoir ainsi avoir un portage digne de ce nom sur la Wii U. Et en fait, au niveau de Platinum Game, on se prononce pas vraiment sur la chose, mais ils disent que Nintendo ont une confiance aveugle dans la franchise Bayonetta et que selon les résultats de la deuxième épisode de la franchise, ben que ça serait possiblement dans les pourparlers pour un portage possible. Pour que Nintendo ait une confiance aveugle en du monde, là. Excellent, M. Castigan, merci beaucoup. Et avant de partir en musique, je vous dis comme ça, nos amis de Nine Dots Studio, dans à peu près 20 minutes, préparent un streaming pour leur parler des projets qui s'en viennent. Je vous partage le lien tout de suite sur Puissance Maximale, la page Facebook. Donc, c'est sur justement les travaux qu'ils ont fait dans les dernières semaines et vous répondre à certaines questions sur Twitch.tv. Twitch.tv, donc j'ai mis le lien si vous avez le temps d'aller regarder ça dans une vingtaine de minutes. Et là, M. Castigan, pour terminer l'émission, on va finir ça en musique et on vous termine ça avec Two Excellent Italian Siblings de Arm Cannon. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD-FM 96.9 à Lévis. CJMD 96.9 branché sur Lévis. Puissance maximale. de retour à puissance maximale. Et c'est déjà la fin de l'émission, mesdames et messieurs, après cette excellente chanson d'Arm Cannon. Je tiens à remercier M. Andrew Kelsagan qui est à la console. Merci beaucoup, Andrew. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Pierre, d'être passé au studio pour jouer avec nous. C'était fantastique. Merci. Hein? Ça fait plaisir. Et mon nom est Mickaël Michaud, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle rapidement qu'en fin de semaine, il y a la Fiesta Ludique. Samedi, à l'Université Laval, il y a un Maid Café aussi au Collège Saint-Laurent à Québec également dans les activités ludiques à ne pas manquer. On vous rappelle également que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez chercher nos anciennes émissions et podcasts entrevues là-bas. Et allez aimer notre page Facebook. Tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Et on en profite maintenant pour saluer nos amis des Geeks Contre-Attaque, qui sont nos homologues à CKRL à Québec. On les a rencontrés à la foire Geek de Québec il y a quelques semaines. Toujours heureux de les voir là. Puis on est en train de s'organiser de quoi avec eux autres, entre autres pour Jenny May. J'ai écouté leurs émissions, super bon également. Donc, salutations aux Geeks Contre-Attaque. Et on termine cette émission. Nine Dots Game aussi, qui font leur Twitch, là. Ben oui, tout à fait, Nine Dots Game. Là, j'ai mis le lien sur la page Facebook. Puis, reste à l'affût. Reste à l'affût de la page Geek Fest et Puissance Maximale. Il va sûrement avoir des annonces d'invités prochainement. Oh yeah, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est le média pour avoir les primeurs de Geek Fest Québec. Donc, une autre raison de suivre notre page Facebook. Et on vous rappelle, en même temps que c'est les préventes des billets pour GeekFest Québec, allez sur leur site pour avoir des billets à 15$ pour la fin de semaine. Et je vous rappelle, comme à chaque semaine, de passer une excellente semaine de jeu. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we one, two, three, four, yeah! CJMD. Wherever she was there. 96.9. Let it ride!